Merci bien, madame de Montesquieu. Très bon après-midi à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous savez que demain, il y a le fils du président de la Finlande qui vient. Il va falloir faire sa chambre nickel. Il faut qu'elle soit prête à midi. Pas de soucis. Pas de soucis. Je compte sur vous, messieurs. Tenez. On se remet là-dessus. Merci beaucoup. Bon. On fait comment ? On fait comment ? Je pense que ça va bien se passer. Je pense aussi. Bon, jusqu'à midi ? Jusqu'à midi. Bonne nuit. 10-15-9. Appelle. Ouais, allô ? Ouais. Ah, venez, on va faire la brinque jusqu'à midi, là. Mais... Jusqu'à midi ? Jusqu'à midi, pas plus. Pas plus. Ok, y'a pas de soucis. La belle vie du Jacobien, la monnaie donc elle est calme.